Bonjour les amis. Salut Charlie. Bon alors Alex, je suis très fâchée. Ah bah je vois, mais pourquoi mais hier tu donnes une info sur Francis Huster, qui est en couple avec une fille qui a 44 ans de moins, et j'apprends que c'est faux. Oui, mais c'est pas de ma faute. Oui, bah il faut vérifier ses sources. Oui, mais c'était écrit dans Paris Match. Ouais, bah justement. Oui. En même temps, on pouvait se tromper. Ah, tu vois, il y avait écrit dans Paris Match coup de foudre. Alors moi, oui, mais la fille a démenti. Oui, je sais, Francis aussi a démenti. Non, après la fille. Et oui, et c'est ça qui est louche. Et s'ils sont obligés de démentir, bah c'est peut-être qu'il y a un problème, voilà. C'est un vrai vaudeville cette histoire. Il est nul en vaudeville en plus, Francis, il a pas l'habitude. Oui, bah moi je dirais que c'est plutôt une tragédie. Ah, là il est fort. Au rage, au désespoir, au vieillesse. Vieillesse ennemie, ouais, c'est exactement ça. Oui, enfin, peut-être que lui, il croyait être avec cette fille, et puis elle, ben, elle le savait pas. C'est ça, ouais. Oui, mais, ben, je sais pas, moi, c'est en tout cas ça le temps pour les Francis. Hein. Francis Lalanne, Francis Huster. Ouais, c'est la malédiction des Francis. C'est ça, c'est ça. Quel choc, tu crois que t'es avec une gamine de 22 ans canon, et c'est pas vrai. C'est... Bon, s'il veut savoir ce que ça fait, il peut toujours demander à Johnny. Ah oui. Oui, bon, que les choses soient claires, on se méfie des fausses infos, et puis c'est tout. Très bien, voilà. On fera très attention. Ce sera fait une très belle pub. Hein, mais oui, mais oui, mais c'est génial, moi aussi je vais faire ça. J'annonce une relation avec quelqu'un de connu, elle dément, et puis je surdément, et après je suis connu. C'est ça, ça ouais. Génial, quelqu'un a le 06 de Jeannette Bougrabe ? Ah, tu pourras attendre qu'elle fasse son deuil de Demis Roussos. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui branche l'actualité sur 100 000 volts. Et voici les trois informations qu'on va électrocuter jusqu'à 18h. Manuel Valls est en Chine pour attirer les investisseurs et travailler sa stature présidentielle. Aujourd'hui, c'est un moment important. Il va rencontrer le président chinois Xi Jinping. Alors, c'est le grand jour, le jour des Chinois. Chinese Day. Pour une fois, ce ne sont pas des salariés qui se font virer, mais des grands patrons, Big Mac et Barbie dégringolent. Ils ont emporté les patrons de McDo et de Mattel dans leur chute. Ça arrive vite, un mauvais concept et paf, c'est la sortie. C'est la viande Barbie ? Il n'a pas été homologué en fait parce qu'il est bleu ciel, donc on le voit pas. Les téléspectateurs préfèrent encore et toujours Mimi Mati. Un nouveau sondage le confirme si cela était utile. Et ça n'a rien d'étonnant car le personnage de Joséphine Ange Gardien repose sur la maestria du jeu d'acteur. Toi aussi tu commences à me gaver grave là, t'es un peu relou comme Cam. Et pour maltraiter ces infos autant que le jeu d'acteur, Mimati, je suis accompagnée du prince de la comédie dell'arte de la blague, Alex Vizorek. J'aime votre mauvaise foi. Bonjour Charline, et pour terminer cette semaine, autour de la table, une équipe aiguisée. À 17h20, la fine lame de cette émission. Hier soir, je l'ai regardé, il a cité Shakespeare à Benjamin Castaldi. J'en ai eu les larmes aux yeux, j'espère qu'aujourd'hui, il va citer Paul Lussulitzer à Clara Dupont-Mono. Bonjour André Manoukio. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on va parler ? On va prendre un peu de hauteur. On va parler d'un artiste qui fait une électropop absolument élégante qui s'appelle Sage. Et pour le décrypter, j'irai chercher du côté du channeling. Ouh là là là. À 17h30, il joue à Gap ce soir et donc il y aura un trou dans cette émission. Gap, trou, pardon. Merci. Voilà. Guillaume Meurice n'est donc pas là. Mais on diffusera l'un de ses meilleurs moments Meurice où il interrogeait une voyante. Et à 17h40, pour le coup, j'ai contacté plusieurs voyants. Et tous m'ont dit, tu n'as aucune chance avec elle. J'ai donc été voir un non-voyant qui m'a dit, fonce, méfiez-vous. Donc, Clara Dupont-Mono, bonjour. Bonjour Alex. De quoi on va parler ? Alors, c'est le festival d'Angoulême de bande dessinée qui a commencé il n'y a pas très longtemps, avant-hier. Et donc, il met à l'honneur le manga. Et il y a quelques idées reçues qui circulent à propos du manga. Et enfin, à 17h55, vous l'attendez chaque semaine, la chanson de Frédéric Fromet. Et le thème, ben, je ne vous le donne pas. Et voilà, devinez-le hein, sur hashtag oui, oui. Annule tout sur Twitter. Et tout ce que vous n'osez pas dire au téléphone sonne, dites-le au téléphone des connes 01 56 40 69 51. Allez, dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un référent qu'on appelle modestement un référent de la République. Vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous Habib Bourguiba. Oui. Vous vous distinguez pour la qualité de vos interviews sur TF1 en 95 quand Jacques Chirac annonce la reprise des essais nucléaires. Oui. Votre premier one-man show est intitulé « Je débute » en 2002. Je m'entraîne. Ah, c'est « Je m'entraîne ouais, » Ah voilà, et déjà... C'est Jean-Pierre Wikipédia qui vous donne les données. C'est ça. D'après Wikipédia, alors « Je m'entraîne », alors je corrige sur ma fiche. Voilà, je vais appeler Jean-Pierre Wikipédia qui sait, voilà. C'est en tout cas l'année de la création de l'UMP, 2002. Ben oui. Je sais pas si ça vous a inspiré, mais certainement. Vous jouez au théâtre du Rond-Point dans Monique et demandé caisse 12. Et là, c'était bien la caisse 12. Oui. C'était en 2008. Et c'était donc quand Bienvenue chez les Ch'tis est sorti au cinéma. Oui. Et donc, d'après Wikipédia, vous êtes français. Raphaël Mizrahi. Oui, c'est ça. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Vous corrigez pas votre fiche Wikipédia, vous, Raphaël Fesserey ? Non, je m'en fous. Non, je vais très peu sur Internet, d'ailleurs, ouais. Surtout. Ah bon ? Oui, ça m'intéresse pas tellement. Ouais. Ah d'accord, donc vous êtes informé par d'autres biais ? Bah oui, je viens vous voir. Ah bah, ouais, voilà. Ah bah écoutez, avec nous, vous allez être informé, c'est je moi qui vous le dis. Je préfère votre info que celle qui tourne en boucle. Voilà. Tiens, la troisième nuit de la déprime, ouais. Déjà la troisième, ouais. Ce sera lundi 9 février à 20h aux Folies Bergères, ouais. Avec notamment Ariel Dombal, ouais. Jean-Luc Lahaye et les frères Bogdanov. Ouais. Vous voulez vraiment déprimer les gens. Oui, oui, c'est pas représentatif hein, ce que vous citez là, mais enfin bon, je vous laisse faire. Non, c'est à peine orienté. C'est bien, mais c'est bien, c'est pour ça que je suis là. Et il y a, oui, non, mais qu'est-ce qu'il faut que je réponde ? Non, non, c'est bien, c'est très sérieux, c'est beaucoup de chansons tristes. Et il y a Nathalie Dessay qui sera là également. Non, vraiment déprimer les gens. Et vous avez dit que la déprime, et, contrairement au bonheur, était à portée de main. Oui, parce que, alors je vous dis un truc très sérieux, c'est que les gens tristes, les gens pas très bien, tout ça, écoutent quoi ? Des chansons tristes, mais pas pour aller moins bien, mais pour aller mieux. Le paradoxe. Et les nanas des Folies Bergères, justement, m'ont dit, ils avaient fait un colloque il y a 6 mois sur le bonheur, enfin voilà, tous les trucs à la mode, le bonheur, et ils m'expliquaient que les gens qui venaient acheter des places pour le bonheur étaient plus tristes que les gens qui venaient acheter des places pour la nuit de la déprime. Donc, comme quoi, non, moi, c'est tout sauf, c'est comme son nom l'indique pas du tout, c'est surtout pas du tout triste, quoi. Vous savez que c'est un vrai genre musical noble à part entière. Le mineur. Le blues, la musique de l'exil. Dans l'Antiquité, il y avait deux styles de musique, les musiques de noces et les musiques de funérailles. Et les musiques de funérailles, en fait, ont créé le lamento. Et finalement, se lamenter, ça nous guérit de notre propre lamento. Voilà. C'est ça le truc, c'est qu'on chante le blues, ça va pas. Et bizarrement, exprimé d'une manière musicale, ça nous guérit. Tout ça. Et donc, allons nous amuser à la nuit de la déprime. Il y aura qui, notamment ? Parce que je l'ai légèrement orienté ma question. Vous avez un panel quand même très, très, très large, plein de gens. C'est comme une émission de télé. Oui, d'ailleurs, ça va être diffusé sur ma télé, parce que comme les gens voulaient. Donc, j'ai monté ma chaîne de télé pour diffuser ma nuit de la déprime. Déprime TV, donc voilà. Non, c'est une vraie chaîne de télé. Non, là, pour le coup, c'est une télé qui s'appelle One Day TV qui est diffusée sur Numéricable, Canal 16 et 46 de la TNT. Donc, une chaîne de télé éphémère. Éphémère de 4 jours et en partenariat avec l'INA. Et donc, entre autres, et j'ai beaucoup de documentaires sur Dali, sur Gaudi, sur Serge Gainsbourg. Il y a plein de. Voilà. Et la première nuit, après la nuit de la déprime, on va diffuser. Vous savez, c'est de la grande mode des marathons, donc on va diffuser l'intégrale de l'homme du Picardie. Voilà. C'est une bonne idée. Ça se termine vers 9h30 du matin à peu près. Ouais. Et donc uniquement pour ceux qui ont regardé l'homme du Picardie, on diffuse un épisode de Bonne nuit les petits. Ah, voilà. Vous allez pas être déçus. Non, c'est très. Et alors, donc je voulais expliquer qui d'autre il y a dans la nuit de la déprime. Il y a Nolwenn qui sera marraine parce que faut une marraine de temps en temps. Puis c'est bien. Puis on va donner des sous à la Fondation Abbé Pierre. Ouais, parce oui, comme les c'est bénéfices. Oui, c'est une soirée. C'est pas une soirée. Voilà, tout le monde vient bénévolement. On bosse tous bénévolement, à part quelques techniciens. Enfin bon, ils sont obligés d'être payé un peu aussi. Notamment Benabar. Il y a Benabar qui sera là, il y a Grégoire, il y a Louis Chédid. Et vous leur avez vendu le projet en disant tu vas venir gratos et ça va être pour la nuit de la déprime. Et ils ont marché. Ah, ça s'est fait complètement par hasard. Il y a 4 ans, j'écoutais, comment il s'appelle, Nicolas Perrac. Et parce que j'adore. C'est un copain. J'adore les chansons françaises. J'ai plusieurs dizaines de milliers d'albums. Chez moi, je suis un fou de chansons. D'ailleurs, j'ai fait une émission musicale à France Inter il y a 2 ans et demi que pendant l'été où on m'avait remis un prix d'ailleurs dont j'étais content, donc j'étais très content, c'était une bonne émission. Enfin bon, voilà. Et donc j'écoute Nicolas Perrac et qui chantait Marie l'inexorable. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une fille qui Marie l'inexorable. Et donc il y a le gars qui est là et il entend du bruit. Alors il monte au grenier et il se retourne, il se prend une poutre et il reste coincé. Et comme il pleut, il explique que l'eau monte, mais c'est vrai, c'est une vraie chanson. Il explique que l'eau monte inexorablement et que la maison n'en a plus pour longtemps. Et donc après il dit à sa femme bon, chérie, essaye de sauver les enfants si tu y vois quelque chose, parce qu'en plus elle est aveugle et à la fin tout le monde meurt. Et je me suis dit, c'est assez drôle comme chanson quand même, donc je vais appeler Enrico. Je vais faire une soirée. Enrico, tiens, je voudrais appeler Nicolas Perrac pour qu'il vienne chanter cette chanson. Est-ce que tu veux pas chanter J'ai quitté mon pays juste après. Il me dit, Popo, mon frère, je suis là. Après, j'ai appelé Nicoletta pour qu'elle vienne chanter Les Morts le Soleil. Alice Donna, je suis malade. Et puis après, on a fait la nuit de la déprime. Véronique Sanson est venue, tout ça. Il y a Christopher Stills, son fils, et le fils de Stephen Stills qui sera là cette année et aussi. Et il y a chanteur Christophe aussi qui vient. Il y a Christophe qui sera là. Et les musiciens, j'ai Roland Romanelli. Il y a Fred Manoukian, presque le même, mais enfin tu peux venir aussi, de toute façon on en a parlé. Jean-François Zigel. Pas Jean-Jacques. Mais non, lui c'est les Enfoirés, c'est autre chose. Nuit de la déprime, lundi 9 février à 20h aux Folies Bergères. Maître d'œuvre Raphaël Mesrahi est avec nous jusqu'à 18h sur France Inter. Sempre di più e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù, c'è un buco nello stato dove i soldi van giù. Svalutation, valutation. Io amore mio non capisco perché, cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, solo un caffè, gli stati sono greviti, ma la grana dov'è? Svalutation, ay, ay, svalutation, yeah! Ma siamo in crisi, ma senza andare in là, l'America è qua. In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa. Che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Svalutation, valutation. Io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me. Sulle tation, nessuno che ci insegna a non uccidere c'è, si vive più di armi che di pane perché assassination, assassination, ma questa Italia qua se lo vuole sa che ce la farà. C'è, quando pensi a te, pensa. Anche un po' per me. Raphaël Mesrahi, vous avez deviné ce que c'était ? Oui, c'est Adrien Michel. Oh, vous êtes fort ! Salutation, ça veut dire dévaluation ouais. En français. Ça date de 76. Vous êtes sur France Inter, on traduit tout. Oui, et on a les grands avec nous, donc je vous lis des paroles de Nicolas Perrac. Même si tu n'y vois pas, essaie quand même de trouver un chemin jusqu'à la ferme du plus proche voisin, voilà. Parce que l'eau monte inexorablement. Tu sais, l'eau monte inexorablement et la maison n'en a plus pour longtemps, plus pour longtemps. Voilà, c'était c'est le pour conseil. La nuit de la déprime. Le conseil, exactement. Marie, je t'aime, dit-il. Le conseil de Raphaël Mesrahi, qui est notre invité, avec André Manoukian et Clara Dupont-Moreau autour de la table. Et Alex Vizorek. Lui-même. Et c'est le moment de notre revue de presse à deux voix. Charline Vanhoenacker. Non, mais je vous en veux pas, mais. Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et hier soir, un homme a fait irruption armé sur le plateau du JT d'une grande chaîne néerlandaise. Oui, l'homme a terrorisé tout le monde, y compris les téléspectateurs. Alors heureusement, ça ne devrait pas arriver chez nous. Des présentateurs de JT se sacrifient eux-mêmes pour terroriser les téléspectateurs. L'Arabie Saoudite a voulu remettre un dossier pour les Jeux Olympiques. Oui, le prince Fahd bin Jalawi, conseiller du président du comité olympique saoudien, a souhaité déposer un dossier commun avec le Bahreïn. Pourquoi deux pays ? Pour diviser les athlètes, les hommes en Arabie Saoudite et les femmes au Bahreïn. Ah oui ? Et la réponse du CIO ? Et malheureusement, le CIO a refusé l'idée de Jeux Olympiques non mixtes. Je dois dire que c'est pas malin de la part de l'Arabie Saoudite, parce que séparer les hommes et les femmes, on n'aurait pas pu ajouter au programme des Jeux comme discipline la lapidation, qui était une belle chance de médaille pour l'Arabie Saoudite. En tout cas, au vu de cette info, on se dit que le roi Abdallah avait vraiment œuvré discrètement pour la place de la femme. Alors, une information dont on ne devrait pas rire. Mais c'est tellement c'est gros pour la et nuit de la déprime, voire drôle. Ouais. Ça peut vraiment être une belle anecdote. Attention. Un représentant juif italien enfermé à Auschwitz. Ah. Riccardo Pacifici s'était déplacé en Pologne pour représenter la communauté juive de Rome lors des commémorations des 70 ans de la libération du camp. À la suite d'un malheureux concours de circonstances, il s'est retrouvé enfermé. Et donc il est resté jusqu'à 23h, il a peu eu froid. Voilà, oui. Je vais la faire l'info parce que moi je suis juif donc j'ai le droit de. Oui, rire, oui, de... oui mais non, si vous trouvez ça drôle, c'est pas de chance. Oui, si, si, moi je trouve ça drôle. Oui, bah, je oui, pense qu'on peut dire que c'est drôle, puisque ça c'est bien terminé. Mais ne vous interdisez pas de rire comme ça. Enfin, culture à présent, le casting du prochain Gustave Kervern est annoncé. Oui, alors un gros trio, Gérard Depardieu, Benoît Poulvorde et Michel Houellebecq. Alors je vous annonce déjà que ça va pas être une publicité pour le ministère de la Santé. En tout cas, s'ils viennent chacun avec leur meilleur produit, le film s'annonce épique. Et on termine par la fin de notre série de la semaine. Oui, oui, depuis deux jours, nous essayons, comme le gouvernement français, de dissuader les plus jeunes enfants d'aller faire le djihad par une série pédagogique. Troisième épisode. Nicolas ? Nicolas ? Où es-tu ? Poum, poum, poum, poum, poum. Bonjour, Pimprenelle. Oh, bonjour, Nounours. Mais où est Nicolas ? Je crois qu'il est parti faire le djihad. Non, il est parti, malgré que Manuel Valls et François Hollande aient dit que c'était pas bien. Bah, je crois que c'est ça qui l'a convaincu. Zut, zut, zut, on s'y est mal pris. Ah bah oui, je crois. Moi aussi, je crois que je vais aller le rejoindre. Bah non, Pimprenelle, c'est pas bien le djihad, c'est Manuel Valls et François Hollande qui le disent. Ouais, bah bon, bah salut. Attendez. En fait, Manuel Valls et François Hollande conseillent d'aller faire le djihad. Il paraît que c'est super. Ils vont même te subventionner. Oh bah non, c'est relou. Alors je vais me coucher. Bonne nuit, Pimprenelle. Bonne nuit, Nounours. Swagbar. Vous êtes sur France Inter, il est 17h23, nous allons reprendre le cours normal de notre émission en compagnie de Raphaël Mesrahi, de d'André Manoukian, Clara Dupont-Monod, Alex Vizorek. Premier sujet, parce que Raphaël Mesrahi, vous n'êtes pas venu pour mais, rien. Non, mais c'est genre, Nicolas et Pimprenelle. J'étais terrorisé quand j'étais mou, parce que théoriquement, les gosses regardaient ça pour aller dormir. Moi, j'arrivais pas à dormir à cause de Nicolas et Pimprenelle, ça me stressait parce que ces deux gosses, ils dormaient, ils se retournaient, ils dormaient la tête collée contre le coussin. Donc, moi, j'essayais de dormir quand même, mais j'ai tout fait, quoi. Je suffoquais. Des enfants qui sont morts. Donc, peut-être à cause de ce pas prenable. Des mauvais conseils. Ouais, c'est Nounours, c'est déprimant, une fois de plus. Oui, puis après, il a amené un pote à lui, Nounours. Parce que la première série, il n'avait pas un copain ours. Maintenant, de la deuxième série, Nounours couleur, il arrive avec un pote à lui. Ah, bonjour, non, c'est son oncle, son neveu, je ne sais pas quoi. Donc, c'est assez. Enfin, voilà, aucun intérêt. Vas-y, c'est mais quoi, non, mais c'est intéressant, c'est vrai, je me le savais. Attention, si vous êtes aussi loquace sur Manuel Valls en Chine, on est au top. Mais Raphaël Mesrahi a raison, parce que si ça tombe aujourd'hui, on pourrait plus montrer des enfants qui dorment avec la tête dans l'oreiller, parce que le ministère dirait. C'est dangereux. Je ne sais pas si vraiment c'est des frères et sœurs, on ne sait pas trop. Que c'est... Déjà, Tintin, on avait des doutes. Machin. Et pour non, peu c'est... que la fille soit habillée avec un pyjama bleu, le garçon avec un pyjama rose. Enfin, bon, soit. C'est la nuit. S'il y a premier sujet, donc, outre la théorie du genre. Manuel Valls est en voyage de noces avec le CAC 40 en Chine. Ouais. Une visite de trois jours où le Premier ministre est reçu comme un chef d'État. Et quand il va rentrer, François Hollande attend le récit de ce fabuleux voyage par Manuel Valls. Attention aux roches. Et surtout, attention au mirage. Le Yangtze-Kiang n'est pas un fleuve, c'est une avenue. Une avenue de 5000 km qui dégringole du Tibet pour finir dans la mer Jaune. Avec des jonques et puis des sampans de chaque côté. Puis au milieu, il y a des tourbillons d'îles flottantes avec des orchidées hautes comme les arbres. Le Yangtze-Kiang, camarades, c'est des millions de mètres cubes d'or et de fleurs qui descendent vers Nankin. Et avec tout le long des villes pontons où on peut tout acheter, les alcools de riz, les religions, et puis les garces et l'opium. Qu'est-ce qu'il raconte bien, Manuel Valls ? Oh, c'est un genre d'hiver. Allez, Manuel Valls qui fait son premier long voyage hors de la zone euro, en Chine. Un voyage où il sera essentiellement question des droits de l'homme. Non, je déconne. Ah faut oui, pas pousser, bah non. Alors, Raphaël Mesrahi, est-ce que ça vous choque encore que la France aille en Chine que pour le business et plus pour parler des droits de l'homme ou même pas moi, ce qui me rassurait, c'est qu'ils y aillent au départ pour le business, puis qu'au final, ils disent, mais oui, mais quand même, est-ce que vous avez vu quand même ce qui se passe quand même avec les mômes et puis quelques prisonniers quand même. Alors, c'est peu, légèrement prévu, mais légèrement raté aussi. Légèrement aussi. J'ai écouté l'histoire du croissant, des machins avec les. Manuel Valls devait rencontrer des dissidents, des artistes, et sur les 6-7, il y en a qu'un qui est venu. Donc ça, caramba. Ils y vont ralenti, mais je pense que peut-être à un moment donné, il faut y aller brut de décoffrage, retirer le frein à main et dire voilà, vous nous emmerdez, il y a beaucoup de mecs qui sont emprisonnés pour pas grand chose. Déjà, avec ce que vous faites subir aux animaux, déjà ses limites, etc. quoi. Non, mais c'est vrai. Mais oui. Alors, la Chine, qui est déjà au capital de PSA, Peugeot Citroën, du Club Med ou de l'aéroport de Toulouse. Et là, évidemment, Manuel Valls va demander aux investisseurs venez. Qatari, non, non alors, le Chinois d'abord. Bon, au Qatari aussi, oui, il y a un peu de tout. Faire un mix, mais par exemple, le Club Med avec un gros capital chinois, le Club Med qui devient chinois quasiment, c'est ce genre de choses qui vous attristent ou bien vous dites, bon, il faut bien relancer. Ça peut m'attrister parce que j'étais VIP Club Med, donc à mon avis, avec les Chinois, j'y serais beaucoup moins. Quoi. Là, c'est foutu. Quoi. Vous allez faire un spectacle, vous passez la semaine. Non, pas du tout. Non, en plus, j'ai jamais été VIP, rien du tout. Donc, non, je rigole, mais les Chinois Club Med, je sais pas, pourquoi pas. Je suis un Chinois sur. Il skie bien les. Enfin, je sais pas si ça skie en chinois. Moi. Si, bah, sûrement, la phrase. Il y a très peu de médailles d'or. Assez peu. Moi, non, mais est-ce qu'il y a eu des champions chinois ski? Je ne pense c'est pas. C'est une piste à explorer. C'est pas du tout raciste, c'est juste une constatation. Il y a des hautes montagnes, en tout cas, en Chine. Il y a des grands sommets, des 7000. Et pour les photos, avec le soleil levant, tout ça. Il y a quelques copains chamoignards qui vont les grimper, mais eux, ils grimpent tout ce qui bouge en même temps. Justement, André Manoukian, emmenez-nous sur les cimes de votre chronique pour regarder la musique de haut. C'est joli. Hein. Écoutez, non, ça c'est de la musique. Ce n'est pas l'album que je vais chroniquer, mais c'est juste. Ça, c'est j'ai réveil, demandé à Benjamin Ricain hein. un petit peu de sérénité, parce que l'artiste dont je vais vous parler ce soir s'appelle Sage, comme le diminutif de Sagittaire, c'est son signe astral, et c'est un musicien très inspiré. Ce qui pose la vraie question. C'est quoi la différence entre un croque-note de base et un aventurier sonique qui s'égare aux confins de la galaxie ? Encore une fois, je ne crains pas de me répéter ici. Tout bon musicien qui se respecte ne fait rien d'autre que du channeling. Savez-vous ce que c'est le channeling ? Non, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme américain de la littérature New Age qui désigne un procédé de communication entre un être humain et une entité appartenant à une autre dimension. Un ange, un maître ascensionné, une entité du plan astral, une divinité. Ça peut être aussi un extraterrestre. Mais il y a des gens très sérieux qui se penchent. C'est Nounours. Exactement, voilà, Nounours. Pas un peu font du channeling et c'est Nounours qui descend. Okay. Bon, alors, si je vous disais en fait que cette pratique existe depuis que l'homme est homme, que les signes et dessins d'animaux sur les cavernes rupestres en fait ne sont rien moins que des tentatives de prise de contact avec les esprits des animaux. Le chasseur priait parce qu'il dépendait, donc, mais il priait à l'esprit groupe des animaux. Par exemple, les bisons. La différence entre l'homme et l'animal, si vous voulez, c'est que l'homme a son esprit incorporé en lui et l'animal, pas. C'est pour ça que les saumons font 2000 bornes tous ensemble. C'est pour ça qu'ils sont pilotés par un esprit qui est au-dessus. Les anciens le savaient. Donc, ils faisaient des prières à l'esprit groupe des animaux. Et ensuite, quand ils tuaient l'animal, ils lui demandaient pardon en lui expliquant qu'il y avait un transfert d'énergie. C'était vachement plus cool que de bouffer de la viande en plastique. Pour les sceptiques, les expériences visionnaires des chamans, nous disent-ils, les sceptiques, ne seraient pas une manifestation d'un au-delà, mais de leur inconscient. Eh bien, soit, si l'on ne croit pas à un monde parallèle, qui, soit dit en passant, commence à rentrer en équation chez nos scientifiques, qu'importe, pourvu qu'on ait l'ivresse. Revenons au musicien. Il branche son tuyau sur les astres ou sur son inconscient, et s'il a bien réussi son plug, la musique l'inonde. Clara, pourquoi vous me regardez comme ça ? Je suis très concentrée. Très bien. C'est le mot plug. Donc, c'est le senti. Un plug, c'est se pluguer. Mais je suivais. Alors, c'est le sentiment qu'on a lorsqu'on écoute Sage. Ambroise Villaume, de son vrai nom. Son instrument, il l'a fait customiser par un designer. Ce sont de grandes plaques noires, brillantes, dans lesquelles un clavier est encastré, une sorte de tableau de bord rétro-futuriste de vaisseau spatial qui avancerait en rétro-pédalage supersonique vers un futur incertain, mais radieux. Parce que quand on lit l'avenir dans la musique, l'avenir est radieux. Il est guitariste, pourtant Sage, mais c'est sur un clavier qu'il compose. Changer d'instrument pour un musicien, c'est comme changer de partenaire pour un danseur mondain. Ça inspire de nouveaux gestes, de nouveaux pas, une nouvelle danse. Vous savez, quand Guillaume Meurice y remplace Alex et Charline, on vous sent plus en danger, vos joues rosissent, vous mordez vos lèvres, votre respiration s'accélère, votre corsage se tend plus qu'à l'accoutumée. Bon, Sage, Change d'instrument à celui-là. Exactement, c'est ça. Mais Sage était le tiers, mais surtout la voix du groupe pop français Revolver. Il était aussi la moitié de Woodkid sur son premier album, ayant notamment à sa charge l'écriture des cordes. Et c'est avec Benjamin Lebeau, la moitié des Shoes, le groupe qui était l'autre moitié de Woodkid avec Sage, que Sage réalise cette EP de 4 titres. 4, c'est le chiffre sacré de Pythagore, mais je vous le ferai une autre fois. Oui. Cette EP distille une pop élégante et racée qui va plus sur l'électro au niveau des sons et sur le fil au niveau des cordes, des violons, du quatuor 4, qui la rend arrange superbement car sage et en plus d'un compositeur et chanteur, un arrangeur qui ne fait pas les choses à moitié, on pourrait même dire qu'il aime couper les cheveux en quatre. Il serait même notre James Blake à nous, vous savez, cet artiste qui a cette voix un petit peu, qui tutoie les aiguilles, tutoie les anges. En tout cas, le fait de se retrouver seul face à lui-même en état d'introspection lui fait lâcher les chiens et l'emmène, c'est tout le paradoxe, visiter sa féminité. Je ne sais pas ce que vous inspire, mesdemoiselles, autour de cette table, cette tendance qu'ont les garçons à ne plus cacher leur côté féminin, même s'ils sont furieusement hétéros. Mais toujours est-il que lorsque Sage joue de sa voix magique, l'air déplace une onde qui nous chatouille. Les tympans entrent dans notre tête sous forme de mélodies entêtantes, de riffs lancinants, parfois une rythmique folle qui pourrait bien, pour finir, nous reconnecter avec l'africanité perdue de notre bassin. C'est le choix d'André Manoukian aujourd'hui. C'est voluptueux, nous disait Raphaël Misraï. Ouais. Il disait que c'était encore mieux avant d'avaler une calzone. Ouais, je disais avec une calzone et puis un Schweppes, c'est pas mal. Clara, c'est... Clara, vous êtes indécrottable. Et alors, comme par hasard... On peut apprécier. Non, avec c'est bien, mais à mon avis, c'est pas une écoute de 18h, 17h. C'est plus du plus tard, ça. Et je suis exactement parce qu'il passe en fait ce soir dans... Ah bah voilà. Mais voilà, écoutez-le en live, écoutez Sage en live chez André Manoukian dans Partons en live à 21h sur cette antenne. À cette heure-ci, Alex Vizorek. Ah oui, j'ai un petit quiz pour toute la table. Est-ce que vous savez qui est Non. Xiaopeng Han? Le ministre de la Culture. Non, c'est un Chinois. Un Chinois. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il s'est fait enfermer dans les toilettes. Parce que c'est le seul médaillé d'or chinois de ski. Ah, de ski acrobatique en 2006. Acrobatique, ça compte pas. Et, il s'est cassé la gueule, il a gagné. Il voilà. faut le dire, si les bridés font du ski. Ah, d'accord. Oui. C'est ce que nous traitions avec Raphaël Mezrahi du Club Med, racheté par les Exactement. Chinois. Et on se demandait s'ils allaient au ski. Une médaille d'or olympique de ski. Voilà. Oui. Alors, Raphaël Mezrahi, à cette heure-ci, nous sommes normalement en compagnie de Guillaume Meurice. Et alors, il est pas là, il faut que je fasse un truc. Comme Manuel Valls, Guillaume Meurice est en voyage officiel à Gap où il joue son spectacle ce soir. Et donc on va réécouter ensemble l'un de ses tubes. C'était le 5 janvier, en compagnie de Patrick Cohen. Il s'agissait... C'est pour ça le pauvre. Bah, on aime le retrouver, c'était très bon, c'était sur la voyance. Allez, écoutons. Alors moi, aujourd'hui, je me suis intéressé à notre avenir. J'ai voulu en savoir plus sur les prévisions des voyants pour 2015. Alors je dis les voyants car j'ai voulu en appeler plusieurs. Et puis j'ai regardé les tarifs. Hein. Et puis comme je ne gagne pas le PIB du Burundi, j'en ai choisi une de voyante au hasard. Enfin, au hasard. Disons que la destinée m'a guidé vers une certaine Magda. Alors Magda, elle lit dans les cartes, bien évidemment, mais aussi dans le marc de café. D'ailleurs... Lavazza est mon sponsor, on parle beaucoup de langues. Ah, vous êtes même carrément sponsorisé par du café. C'est-à-dire, Lavazza, on parlait de Lavazza. Ah oui, mais d'accord. Mais pensée café, on sait bien d'où je me fais appeler Magda de café, du coup. Ah, Magda de café, elle est sponsorisée et elle est rigolote, en plus, notre amie Magda. Bon, quelles sont les prévisions qui concernent, par exemple, François Hollande? Dans le café, la semaine dernière, j'ai vu aussi une alliance et une bague pour M. Hollande. Ça on m'a fait c'était très visuel. Il va s'organiser sur une vie de couple. Mais alors on ne sait pas avec qui, ça c'est embêtant. Je n'ai pas la date de naissance de la Gaillée, mais je pense que... Est-ce que vous croyez qu'il la fréquente? Je ne sais pas, il y a beaucoup de... Ah bah, c'est vous la voyante, ça, vous de me dire. Je ne sais pas du tout, je ne sais rien. Je n'ai pas sorti une personne véritable. Mais et si je vous dis la date de naissance de Julie Gaillet? Elle est née le 3 juin 1972, Julie Gaillet. Oui, voilà, 3 juin, elle est du Gémeaux, c'est pour ça qu'elle fait du cinéma d'ailleurs, et ils aiment la photo. Oui, alors là, elle ne pouvait pas tomber plus mal, parce qu'en ce moment, elle n'aime pas trop la photo, la Gaillet, comme elle dit, surtout en une de Closer. Bon, poursuivons quand même. Il se marierait plutôt avec quel signe, alors, à ce moment-là, François Hollande? Il faut analyser très profondément. Mettez maintenant union et c'est bon, après on verra plus approfondi. Par exemple, Nabila, elle est née le 5 février 1992. Est-ce que ça pourrait coller? Nabila, non. Non, ça pourrait pas être Nabila. Non. Bon, patauge, on va faire comme elle dit, hein. On met union et puis on verra plus tard. Intéressons-nous maintenant à notre émission. Quel est son avenir pour 2015? Alors, c'est vous qui l'a dirigé cette... Non. Vous êtes... Ah, vous n'avez pas vu que ce n'était pas moi? Non, je veux dire, est-ce que c'est vous qui l'a mené comme animateur? Ben non. Ou... Non, je ne sais pas. Qui... Mais ça veut dire que vous n'avez pas vu que ce n'était pas moi qui l'a mené comme animateur? Je ne sais pas qui l'amène. Moi, je vous vois dedans. Je ne sais pas comment vous... Mais ça, c'est parce que je vous l'ai dit. Je tire les cartes pour vous. Ce que je voulais savoir, qui était le propriétaire, c'est-à-dire qui était le chef de cette émission? Ben, elle s'appelle Charline Van Hoenacker, elle est belge. Ah, elle est belge. Alors, on va regarder si, comme elle est elle est blonde, la Charline. Elle est dans les tons clairs ou auburn. Elle est blonde. Oui, je la vois comme ça. Bon, d'accord. Vous regardez dans les cartes ou vous regardez sur Google? Dans les cartes. Coucou, je vous vois aussi. Oui, parce que j'avais un petit doute. Hein. Je pensais quand même qu'elle était sur Google Images en même temps. Bon, alors, j'ai quand même appris... Elle est blonde, votre voyante. Alors ça, je la voyais pas au téléphone, forcément. J'ai quand même appris des choses. À ce qu'il paraît, notre Charline, elle préparerait en cachette d'autres émissions, figurez-vous. Ne faites pas cette tête-là, vous êtes démasqué. D'autres émissions un peu d'ouverture économique. Ah, peut-être qu'elle a ça en projet. Elle a ça en projet, une émission économique. Oui. Et beaucoup pour les jeunes aussi. Une émission économique pour les jeunes. Oui. D'accord. Alors attendez, une émission économique pour les jeunes, peut-être elle prépare des dessins animés sur BFM Business ou quelque chose comme ça. Oui, le mot business, je le vois quelque chose de d'accord. Ce goût-là. Oui. Eh bien, bravo, Charline, on en apprend des choses. Des émissions jeunesse qui parlent d'économie, une sorte de Dora l'exploratrice du CAC 40. Vous confirmez ou pas, Charline? Non, je ne confirme pas. Bon, écoutez, l'avenir nous le dira. Terminons avec une dernière question à Magda. Est-ce que vous savez aussi prédire le passé? Si je vous demande, par exemple, la date de la bataille de Marignan. Ah là, je ne la connais pas, la bataille de Marignan. Loin, hein. Donc vous savez prédire l'avenir, mais pas le passé. Je peux prédire aussi le passé des personnes, ça dépend de comment... Par exemple, si je vous demande l'année de naissance de Vercingétorix. Oh là là, là c'est loin. Hein. Oui, c'est vrai, elle a raison, c'est loin, mais bon, c'est un peu vague. Donc, elle ne prédit même pas ce qui a déjà eu lieu, notre amie Magda. C'est dommage, parce qu'avec François Hollande, ça aurait été utile. Parce qu'avec la poursuite des travaux à Notre-Dame-des-Landes, les cadeaux fiscaux au MEDEF et le travail tous les jours de la semaine, l'avenir, ça risque fort de ressembler au passé. Guillaume Meurice, qu'on retrouvera bien sûr lundi. Et nous sommes toujours en compagnie de Raphaël Mesrahi, qui est avec nous. Merci et qui... de m'accueillir, je suis tellement touché. Écoutez, c'est ce que, comment c'est que vous faites la nuit de la déprime? On s'est dit, on va le faire rire un petit peu. La nuit de la déprime, c'est lundi 9 février à 20h au Folies Bergère. Les bénéfices vont à la Fondation Abbé Pierre. Et c'est démocratique, d'autant plus qu'on peut vous voir à la télévision. Oui, parce que j'ai ouvert, je vais ouvrir pour l'occasion ma chaîne de télévision. Comme les télés ne voulaient pas diffuser mes événements. Qu'on peut trouver où cette chaîne? Alors sur la TNT, chaîne 46 du câble. Ah voilà, 46 et, TNT. Et la 16 de Numérica partout en France. À partir du 9 février. Ouais, y a plein de, c'est-à-dire qu'on peut tous ouvrir sa chaîne de télé maintenant? Bah, tous, je sais pas. En tout cas, moi je suis le premier dans le genre. Parce que j'ai appelé la présidence de Numéricable là, l'été. J'ai cherché le numéro dans l'annuaire. Mais vraiment, parce que je les connais pas les gars. Et j'appelle. Non, mais bonjour, je voudrais ouvrir une chaîne de télé. Oui, bonjour, c'est Raphaël Mesrahi. Est-ce que je pourrais parler à la direction, s'il vous plaît? Non, mais vraiment comme donc, ça. On ouvre une chaîne de télé. Pardon? Comme on ouvre une ligne téléphonique. C'est presque. Non, parce que je suis tombé sur une personne qui m'a accueilli, etc. Et qui a pensé, ce mec-là, il n'est pas tout à fait fini. Donc elle m'a regardé, elle me dit, mais assieds-toi là. J'ai dit, tu veux pas qu'on aille manger une pizza plutôt? Véridique. Elle me dit, bah d'accord, mais après-demain. Et elle. Grosso modo, c'est bon, t'es un peu barré, mais on te fait confiance, vas-y. Et c'est parce que vous n'êtes pas tout à fait fini qu'on vous a invité dans cette émission, gentil, notamment pour parler du deuxième sujet, la chute de deux icônes américaines nous montrent qu'on a changé d'époque. Big Mac et Barbie s'écroulent, ils sont terrassés par Apple, mais que va-t-on faire de l'indice Big Mac? Que l'éternel te garde, John McDonald. Ne ferais-tu à mon compagnon et moi-même l'aumône de quelques nourritures? Sur place ou emporté? Les Américains et le groupe Les Satellites. Eh ouais, c'est comme ça sur France Inter. Benjamin Riquet, notre réalisateur, qui trouve des perles. Raphaël Mesrahi, Big Mac et Barbie, bim, ça s'écroule. C'est l'effondrement des valeurs. Oui, je m'en fous parce qu'ils utilisent trop de viande. Donc moi, je suis végétarien, donc McDonald's, je m'en fous un peu. Et ça vous réjouit pas que finalement c'est cool. Oui, c'est bien, c'est rassurant. Et peut-être, mais parce que rien n'est acquis. On est à part Michel Drucker, il y a que lui qui est sur orbite. Les autres, ils peuvent tomber. Quoi. Même si c'est Apple. Qui monte en flèche, Apple, nouvelle icône du capitalisme. Oui, mais ça baissera à un moment donné, faut être conscient. Moi, j'étais au top un moment, regardez, maintenant je suis... Alors, derrière cette information aussi, il y a le fait que deux grands patrons, les patrons de Mattel, qui fabriquent Barbie, et les patrons de McDo, se soient fait dégager, bim, parce que les résultats ne sont pas là et les ventes dégringolent. Pour une fois, c'est des grands patrons qui trinquent et pas les salariés. Oui, mais c'est la règle du jeu, c'est comme ça. Mais c'est pas pour une fois, à mon avis, ça arrive souvent, mais on en parle moins. Non, aux États-Unis, c'est de la pratique. Ouais. Quand une entreprise ne va pas bien, même le PDG offre sa dème. Ils ont eu chacun 3 ans. Ils ont eu chacun 3 ans pour remonter le cours de l'entreprise et ça n'a fait que baisser. En France, ça arrive. Jean-Marie Messier, il y est passé. Oui, ça arrive. Ça met plus de temps. Là, c'est quand même emblématique parce que c'est le patron de McDo et Mattel. J'ai une Barbie que j'ai mis dans une cage à oiseaux. Je préfère. Et j'ai intitulé ça la cage aux folles. Donc, c'est poétique. Barbie dans une cage à oiseaux. Alors, ils essaient de renouveler Barbie. Apparemment, Mattel lance un modèle avec une mèche rose et une jupette à paillettes pour faire un peu Wonder Woman. Mais c'est pire en plus que Mattel a sorti la propre concurrente de Barbie, qui est Monster High. Monster High, ce sont des poupées gothiques vampires avec des dents pointues, avec des oreilles de loup, avec des habits de prostituées albanaises. Et il se trouve que Monster High a un peu plus grignoté la suprématie de Barbie. Donc, en plus, c'est l'entreprise qui s'entre-dévore, qui crée des produits pour dévorer les siens. C'est une stratégie, ça. Ouais, vous savez tout ça, vous. Ça s'appelle du morphing, peut-être. Je pensais que il y a plein de mots anglais. Starbucks, le challenging d'André Manoukian et le morphing de Raphaël Mesrahi, on ne s'en sort plus. Et Kent, Kent, comment il s'appelle le mec, lui aussi il morfle ou pas? Non, alors, parce qu'on en parle moins. Alors que j'ai lu que Mattel avait scénarisé pour mieux vendre, alors Barbie se serait séparée de Ken puis remise avec, mais là comme Barbie c'est cool. Elle est partie avec un surfeur. Oh là là, c'est terrible. Le capitalisme nous fait des stories, des histoires incroyables. Notons juste, Charline, que tout ça est au profit de qui c'est qui gagne? C'est la Reine des Neiges. C'est Disney qui qui tire, ah, bah oui, c'est libéré, Disney, et bah, c'est libéré, délivré. C'est la Reine des Neiges, ah, c'est la Reine qui des a, Neiges. Bah oui, qui a ouais, tout dévoré sur son passage. Les vases communicants tournent un petit peu en circuit fermé, alors. Hein. Tout ça, c'est très américain. Clara Dupont-Mono, si on sortait un petit peu de ces chiffres, de ces indices Big Mac, et qu'on prenait libéré, de la hauteur, délivré. Oui. Vous appelez vraiment Dupont-Mono, c'est génial. Je vous remercie. Je transmettrai à ma mère qui se réjouira. Et c'est pas votre père et votre mère, le mélange des deux noms, c'est vraiment... Si, ah, non, non, si. C'est mon père et ma mère. Ah, vous voilà. Voulez mon groupe sanguin aussi, est-ce que je vous dis. Non, on voudrait votre chronique. Voilà. Alors ma chronique, oui Charline, l'actualité c'est aussi le festival de bande dessinée d'Angoulême qui vient donc de démarrer et qui mine de rien... Ah, Angoulême, c'est ça, ouais. Voilà, oui, vient de faire une révolution. Pourquoi une révolution ? Parce que l'invité d'honneur, c'est Jirō Taniguchi. C'est un des plus grands dessinateurs de manga du monde. Et puis, hier, le grand prix du Festival d'Angoulême a été décerné à Katsuhiro Otomo, le créateur de la série Akira dans les années 80, qui s'est implanté comme une des grandes références du manga. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, voilà le manga à l'honneur. Voilà enfin, la reconnaissance du manga. Il se trouve qu'en France, la culture française est encore très prisonnière d'un schéma assez binaire. C'est que d'un côté, vous avez la littérature, on va dire au sens générique, dite noble, respectable, et de l'autre, une littérature, disons, plus populaire. Donc, autrefois, c'était le roman de gare, ensuite, c'est devenu la bande dessinée, qui a fini par gagner ses lettres de noblesse, et maintenant, le nouveau canard boiteux, eh ben, c'est le manga, c'est lui qui est considéré comme une sous-culture, voire une culture pour arriérés mentaux. Quelle grossière erreur, bien sûr, mais bien sûr. Et pour éclater les derniers préjugés au marteau-piqueur de la clairvoyance, passons en revue vu les idées reçues liées au manga. Si on passe les idées reçues liées au manga, vous verrez que d'un coup, tout s'éclaire. Première idée reçue, on dit toujours le manga, c'est pour les ados. Oui, bon, les adolescents. On le dit toujours. Faux. Mais oui, bien sûr, on le dit tout le temps. C'est faux. Taniguchi a fait, entre autres, un chef-d'œuvre qui s'appelle Quartier Lointain. Quartier Lointain s'est vendu à 300 000 exemplaires en France. Et c'était pas que des adolescents. Autre exemple, encore plus parlant, la série Naruto. La série Naruto, c'est... Naruto Shippuden. Et alors ça, c'est l'adulte. L'adulte, mais ouais. Dans un premier temps, le Naruto tout court, c'est 60 volumes en tout au compteur. Et depuis sa parution en France, c'était en 2002, c'est 16 millions d'albums vendus. En 2012, en France, il se vendait un Naruto toutes les 30 secondes. Mais moi, je suis complètement marginale, j'ignorais l'existence. Donc, vous voyez, c'est pas seulement les adolescents. Et vous connaissiez-vous, Alex ? Absolument Naruto, pas. Naruto, c'est 16 millions d'albums. Et l'auteur de Naruto, qui s'appelle Masashi Kishimoto, il est très malin, parce qu'il a créé un Naruto plus âgé, Naruto Shippuden, exactement, qui, en fait, permet d'accompagner ses lecteurs. Et c'est très astucieux, parce que c'est un peu comme si, en France, vous aviez Astérix et Obélix se marient, et puis après, Astérix se bagarre pour la pension alimentaire. Il y a eu le petit Spirou, inspiré du grand Spirou, pour récupérer les plus jeunes, non ? Pardon ? Le petit Spirou a été créé pour récupérer les lecteurs plus jeunes. Exactement, du grand mais ça a moins marché. Ça a moins marché. Mais André sans compter, vous imaginez Black et Mortimer en maison de retraite ? Mais au-delà des ventes, moi, il me semble, je vais dire peut-être une horreur, mais que tous les mangas ont le même dessin, qui est un dessin assez. Alors. c'est une des grandes idées reçues qui s'appelle l'idée reçue, c'est simpliste, c'est porno ou c'est violent. Voilà. Tout ça, et ben, dessiner en non, pas du tout. Mais vous allez voir, si vous me laissez terminer ma chronique, je vais y arriver. Okay. Là aussi, c'est faux. Je vais vous dire, on peut relire 3 ou 4 fois un volume de la fameuse série culte Akira de Otomo. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, c'est pas du tout de la super action. Ça brasse de la mythologie, de la théologie, ça brasse le mythe du sauveur, il y a de l'amitié, il y a de la tension. Il faut savoir que le manga adore la mythologie japonaise. Il la tord, il la récupère, il se la réapproprie. Par exemple, dans Naruto, vous avez le pouvoir de l'œil, vous avez le démon à 9 queues. Ça ne parle pas de vous, André Manoukian. Non, mais force jaune devant et marron derrière, ça vient donc de mais ça. Mais bien sûr, autre terreau du manga, écoutez bien André, c'est la société, ce sont les mœurs. Il n'y a pas meilleur baromètre sociétal que le manga. Je vous donne juste un exemple. Il y a une trilogie qui est sublime, qui s'appelle « Lorsque nous vivions ensemble », magnifique titre, de Kazuo Kamimura. C'est 21 000 planches qui racontent un couple amoureux, mais qui n'est pas marié, et qui va se heurter à la société nippone encore corsetée dans les traditions. Et ben voilà. Et c'est bouleversant. Vous en parlez de manière romantique, parce que c'est pas un peu violent aussi? Non, il y a un peu de sexe dedans, et il se trouve qu'il n'y a pas de violence. Donc vous voyez, le manga, même s'il y a de la violence... Dans Akira, c'est pas violent. Si, il y a de la violence, mais c'est toujours au service de quelque chose qui est beaucoup plus que la propre violence basique. Ah, sinon, ça n'aurait jamais tenu toutes les années 80. C'est paru de 82 à 89, et ça ne nous aurait pas marqué autant si c'est que aussi basique que parce la violence. Parce que Pikachu, c'est violent aussi. Mais c'est, non, mais c'est vrai, tout est lié. Mais tous les dessinateurs de manga ont le même style pictural, non? Bah, moi, je trouve pas, quand vous regardez bien, non. Quand vous regardez bien, c'est comme si vous disiez le poète chinoises ressemblent. Oui, c'est ça par exemple, si okay. vous disiez le pointillisme finalement dans la peinture, c'est exactement pareil. Ou finalement, pour peindre des nymphéas, après tout, il suffit de copier Claude Monet. Je m'adresse à l'esthète. Et là, vous mesurez donc l'ineptie de votre raisonnement. Troisième idée reçue, c'est le manga, c'est... Bien, elle est bien. Le manga, c'est japonais. Tu n'es pas venu chez moi ? J'ai un peu de mal avec les calzones. Le manga, c'est... Autre chose, si tu veux. Bon, est-ce que je peux aller sur ma troisième idée reçue ? Le manga, c'est japonais. Bon, alors oui, d'accord. Ça, c'est japonais, mais japonais au sens de trop loin de notre culture. C'est-à-dire, en fait, c'est de la culture asiatique qui n'est pas accessible à l'occidental, qui serait non-initié, qui serait un peu largué. Alors, je vais vous dire, Jirō Taniguchi, c'est exactement comme Paul Auster aux États-Unis et un peu aussi comme Woody Allen aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, il est plus connu et plus apprécié à l'extérieur de son pays qu'à l'intérieur. Taniguchi, il est adulé dans les pays francophones, mais beaucoup moins au Japon. Pourquoi ? Parce que son manga est le plus européanisé de tous. Taniguchi, il a fait pour le manga exactement ce qu'a fait le cinéaste Miyazaki pour le dessin animé. Vous savez, les dessins animés Mon voisin Totoro, Le château dans le ciel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la culture japonaise mise à portée des occidentaux. La gastronomie a fait pareil avec les sushis. Oui. Et bien, Taniguchi, c'est les sushis graphiques. Voilà, les mangas, c'est les sushis graphiques. C'est exactement ça. Et le graphisme de Taniguchi, il emprunte à un homme qui est Hergé et c'est la ligne claire. Et quand vous regarderez André Manoukian, je vous donnerai L'homme qui marche là, après. Je vais rien dire, mais vous n'allez pas commencer à salir notre BD. Les Belges avec vos conneries japonaises. Là, je vous ai laissé parler jusque-là. Mais... Et les intrigues de Taniguchi ne parlent pas toujours au Japon. Là, par exemple, on va fêter les 20 ans de son premier album paru en français, justement un bijou qui s'appelle L'homme qui marche. C'est l'histoire d'un homme qui déambule à travers les quartiers et chaque pas lui rappelle un souvenir, un ressenti, quelque chose qui remonte, une sensation. Et bien, au Japon, L'homme qui marche n'a pas du tout soulevé les foules et il n'a pas eu très bon accueil. En fait, beaucoup de critiques ne comprenaient pas cette idée d'oisiveté. Beaucoup de critiques ont réagi en disant mais un homme qui marche alors qu'il devrait être au travail, c'est très bizarre, il ne devrait pas déambuler. Or Taniguchi, il n'a jamais travaillé que sur ça. C'est-à-dire que sur l'idée du bonheur qui est tellement menacé tout le temps qu'il faut le voler. Il faut voler des instants. Il faut des moments suspendus. Il ne faut pas avoir peur des silences. Il ne faut pas avoir peur de, comme disait Henri Michaud, des plis de la vie. Et ça, ce n'est pas japonais, ce n'est pas occidental, c'est juste humain. Merci Clara Dupont-Mono, Raphaël Mesrahi. Ouais. Sur l'affiche de La Nuit de la Déprime, il y a du manga, non ? Ben oui, vous êtes calé. C'est ma fille qui. C'est pour ça que je connais Naruto, tout ça, parce que ma fille est fan de ça. Et depuis l'âge de 9 ans, c'est elle qui fait mes affiches. Donc elle dessine les affiches. Donc, ah oui, et là, je pensais qu'il y avait du manga, mais rien à voir. Là, c'est une fille. Si, c'est inspiré de manga. C'est complètement manga, c'est à 100% manga, c'est pour ça. Et là, elle a modifié. Vous étiez calé. Ah bah bravo, c'est bien. Ah non, c'est ma fille qui est calée. Moi, je suis un peu calé. Grâce à elle. Ah, c'est elle qui vous a amené au manga. Très bien. Merci Clara. Les références sur franceinter.fr. Allez, troisième sujet, le supplément TV Magazine nous renseigne sur les héros préférés des Français, les grands gagnants, Guillaume de Tonquédec, de Fais pas ci, fais pas ça, et Mimi Mati, bien sûr. Chouette, à la fin, elle devrait entrer au musée. Hein. Non, c'est déjà fait, c'est vrai, comme nous le rappelle Guillaume Meurice, au musée Grévin. Alors, ça fait quoi de côtoyer des stars comme ça ? C'est impressionnant, parce qu'on ne voit pas toujours... je dirais des reproductions aussi fidèles, donc il y a des personnages qu'on n'a jamais vus, bon, comme Mimi Matiutu, je ne l'ai jamais vue en réel, je la vois, c'est impressionnant parce qu'on la suppose petite quand on la voit, mais là on la touche, donc c'est différent. Voilà, donc des gens qui viennent pour toucher Mimi Mati. Voilà. Voilà, c'est un magazine très très répandu, hein, c'est TV Magazine, supplément de plein de presse. Et alors Guillaume de Tonquédec qui joue quand même dans Fais pas ci, fais pas ça, le père de famille de droite bien réac. Et puis à côté, Mimi Mati qui est là depuis des lustres, et bon, alors, qui divise la France quand même, parce qu'on peut trouver ça tellement niaiseux que c'est dégoulinant qu'on n'a pas envie de voir. Et puis il y a ceux qui sont accros et qui regardent tout le temps. Moi, je suis ça donne quelle image de la France, ces héros français de séries télé, Raphaël Mesrahi ? Non, mais moi je me souviens d'un épisode de Mimi Mati avec le Troisième Reich, c'était assez rigolo. Mais c'est vrai, surtout. Je veux dire, ça valait la peine d'aborder le sujet, rien que pour cette réplique de Raphaël Mesrahi. Et allez, tiens, si on passait là, à Frédéric Fromet, c'est notre chanteur du vendredi, talentueux. On attend avec impatience. Alors, Frédéric Fromet, de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Eh bien, cette semaine, j'écris une thèse. Oui. À partir de la situation politique grecque. Bon, je me suis fait aider par Nana Mouskouri. Quand Tsipras passe, Dimissous Rostrée passe. Si chez nous Mélenchon gagne, est-ce la mort de l'âne ? Non, pitié, pas Francis. Francis et ses cuissardes. Francis contre l'injustice. Écoutons notre barde. Je suis Cabu, je suis Tignou, je suis eux parce que je suis nous. Est-ce que c'est le fait de porter un catogan? Je suis Lalanne, je suis un gland. C'est vrai, qu'est-ce qu'il fout de ces journées, Francis Lalanne? Mais nous, on t'aime, Francis, même quand tu joues au con. Que tu nous fais une jaunisse, parce qu'on pige pas tes chansons. Oui, nous, on t'aime, Francis, toi qui es né dans un avion. Je vous jure que c'est vrai, je me suis documenté. Un peu trop près des hélices, écoutons un autre son. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur? Oui, oui, oui, messieurs, dames, la mort a un ordinateur. Tu déconnes, Francis, la mort n'a pas d'ordinateur. Pas de Facebook, non, Francis, même pas de Twitter. Est-ce que c'est le cannabis qui t'enduit avec des erreurs? Ou est-ce encore les hélices, ou carrément le moteur? Ce serait la maison du bonheur. Si tu veux bien fermer ta gueule. Pardon, mais ça me fait du bien. Je plaisante, Francis, tu es comme Mélenchon. Tu n'es jamais excessif, tu n'as jamais le melon. Il n'y a qu'à voir la méluche, lui qui disait faire la sieste. Le voilà qui se paluche, comme s'il dirigeait la Grèce. Quand Tsipras passe, des Miss Roussos trépassent. Si chez nous Mélenchon gagne, je veux mourir avec la Lalanne. Frédéric Fournier, merci, qu'on retrouvera vendredi prochain. Merci à Raphaël Mezrahi. Je rappelle que la nuit de la déprime, c'est le lundi 9 février à 20h aux Folies Bergères, au profit de la Fondation Abbé Pierre et sur la chaîne 46 de la TNT. Et lundi... 16 numéricables. Et voilà, et 16 numéricables à partir de 20h. Merci, merci à tous. Et on se retrouve bien sûr lundi en grande forme.